J'en ai essuyé des défaites. Non, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Tomber, se relever, toujours positiver. Et à toutes circonstances, je garde le sourire. Et passons pour prendre place sur la voie de la raison. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Tomber, se relever, toujours positiver. Et en toutes circonstances, je garde le sourire. Circonstances, même si ça me blesse, je préfère recourir à l'indifférence et je garde le sourire. Oh oui. Je garde le sourire.